C'est la mouche, extrait des petits contes alsaciens de Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Les bans ont été publiés par trois fois. Par trois fois, monsieur le curé de Dalheim a demandé à ses paroissiens si quelqu'un d'entre eux voyait empêchement au mariage de Karl Zang, ouvrier brasseur, et de Sophie Steinmetz, couturière. Personne n'ayant soufflé mot, il est décidé que le mariage se fera. Il va se faire aujourd'hui même. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, monsieur le curé demandera solennellement « Karl Zang, prenez-vous celle-ci pour femme ?» Et Karl Zang, en rougissant, répondra « Oui ». Sophie deviendra décidément et pour toute la vie Madame Zang. Tous les gens de la noce écriront leur nom sur le grand registre de la sacristie et tout sera fini à l'église. Et alors, on se mettra à table. Et alors, on ne rira pas. Non. Monsieur le curé a, justement ce jour-là, une réunion du conseil de fabrique où il doit prendre la parole. Il songe, en se rasant, que les gens auraient peut-être bien pu choisir un autre jour pour se marier. Mais il réfléchit que cette pensée n'est pas très charitable et il renfonce de son mieux sa mauvaise humeur. Il part donc pour l'église, le cœur rempli de pensées chrétiennes. Mais derrière ces pensées chrétiennes apparaît l'idée que ce brasseur et cette couturière sont capables de se faire attendre. Point du tout, la noce est là et semble au grand complet. Cependant, comptons bien sur nos doigts pour ne point commettre d'erreur. Voici la petite mariée. Elle est un peu pâle, mais elle n'en est que plus jolie. Voici les demoiselles d'honneur, affairées comme des aides de camp, lorsque la robe de la mariée fait seulement un pli. Voici Steinmetz père, tout plein de raideur et de dignité, avec son grand col qui l'empêche de tourner la tête. Voici Steinmetz fils, qui se penche toujours en avant pour apercevoir le bout de ses bottes neuves. Ô fascination de la première paire de bottes! Monsieur le curé voit tout cela en passant. Mais il voit aussi que le bedeau se donne un torticolis à force de regarder vers la porte. Manquerait-il quelqu'un par hasard? Hélas, oui, il manque quelqu'un. Quelqu'un même de fort nécessaire dans la circonstance présente. Le marié n'a point encore paru. Quelques vieilles femmes de l'assistance insinuent charitablement que le marié est parti pour l'Australie. On entend le curé qui parle bas avec le bedeau dans la sacristie. Steinmetz père, du haut de son faux col, ordonne à Steinmetz fils d'aller chercher le marié. Steinmetz fils s'élance, plus léger qu'un chevreuil, heureux sans doute de rendre service, plus heureux encore d'étaler aux yeux de toute la noce ses bottes neuves, qui sont aussi brillantes que des miroirs à prendre les alouettes. Attente silencieuse. Tout le monde a perdu contenance. Ah, enfin, les voilà! Il était temps. Monsieur le curé était au supplice. Sophie se trouvait mal. Les demoiselles d'honneur lui prenaient les mains. Steinmetz père parlait de casser les reins à quelqu'un. Steinmetz fils était rouge d'avoir couru, mais il avait un air triomphant. Quant à Karl Zang, permettez-moi de vous dire qu'il avait l'air tout à la fois penaud et furieux. Sa figure n'était pas pourpre, elle était cramoisie. « Voilà un joli coco !» grommela un vieux colporteur, parent de la mariée. « Quelle horreur !» s'écrie une vieille femme. « Je comprends pourquoi il a l'air si vexé. Mais voyez donc, ma cousine, s'il est permis de venir se marier dans un pareil état, c'est un affront pour nous toutes !» La cousine, qui avait la vue basse, demanda d'un air scandalisé si par hasard le marié ne serait pas ferme sur ses jambes. « C'est bien pis, répondit la voisine. Cela pourrait passer pour un accident, mais venir tout exprès se marier à la face d'Israël avec ses grosses bottes de brasseur. » Les deux amies se demandent si elles ne vont pas s'en aller. Elles conviennent entre elles qu'il y a insulte grave, préméditée, que ce brasseur est un rustre et que la pauvre petite Sophie sera foulée aux pieds comme un ver de terre. La curiosité les retient, et puis aussi le repas de noces. Steinmetz père lance des regards furieux et se demande ce qu'il a fait au bon Dieu pour avoir un gendre si mal beauté. La petite Sophie a dit oui gentiment. Le gros Karl a dit oui d'un ton bourru. La cérémonie est terminée. La noce disparaît par le porche cintré. Le bedeau se frotte le nez d'un air profond avec cette grande chose en baleine qu'il porte à la main. Au tournant d'une rue, la noce rencontre un apprenti savetier qui court tout essoufflé, portant à la main un escarpin de cuir verni. À cette vue, le marié pousse une sorte de rugissement et laisse aller le bras de la mariée. Plus prompt que l'éclair, il quitte son habit de noce, le dépose sur une borne et coupe la retraite au savetier qui cherche à enfiler une petite ruelle. « Ce n'est pas ma faute !» crie l'apprenti éperdu. « C'est la mouche !» À ces mots, la colère du brasseur ne connaît plus ses bornes. Il va frapper son adversaire qui cherche à se faire un bouclier de l'escarpin. Sophie se tord les bras de désespoir. On l'a mariée à un fou furieux. Steinmetz père saisit son gendre et demande à grands cris un agent de police. Le colporteur s'empare du savetier qui fond en larmes et persiste à soutenir que c'est la mouche. « Lâche-le, Karl !» s'écrie Steinmetz père. « Veux-tu tuer d'un coup de poing une si pauvre vermine ?» Karl cesse aussitôt de se débattre. À la fin, tout s'explique et l'on arrive à savoir la vérité vraie. Karl Zang a été imprévoyant comme un célibataire. Le matin de la noce seulement, il a ouvert l'armoire où il avait serré ses escarpins vernis qu'il ménageait comme la prunelle de ses yeux. Une souris affamée avait grignoté le cuir verni. Elle en avait enlevé la largeur d'une pièce de 10 sous. Il alla compter sa peine à Maître Schupp, le meilleur, ou pour parler franchement, le seul cordonnier de Dahlheim. Maître Schupp, homme obligeant, cordonnier fidèle à sa parole, notez ce point, je vous prie, promit de réparer le dommage dans les 2 heures. Mais Maître Schupp, appelé subitement près d'un ami malade, a laissé cette besogne importante à son apprenti. L'apprenti a juré ses grands dieux qu'il ne perdrait pas une minute. Maître Schupp est parti vêtu de sa houppelande à boutons de cuivre, après avoir rouvert 2 fois la porte pour renouveler ses recommandations. Pour plus de sûreté, Maître Schupp a taillé de ses propres mains, dans une pièce de cuir verni, la languette qui doit cacher le travail de la souris. Il a serré la pièce de cuir dans l'armoire et il a emporté la clé. L'apprenti s'est mis à l'œuvre en sifflant comme un merle. Il avait ciré avec soin le fil que les cordonniers, dans leur langue savante, appellent le lignol. Il avait commencé à percer les trous avec la seule haleine qui fût assez fine pour ne point laisser de traces. Il avait armé ses mains de la manique, ce demi-gantelet de cuir qui préserve la peau des morsures du lignol fortement tiré. Il était prêt enfin à remplir sa promesse quand une mouche le vint piquer à la joue. Oubliant que sa main était armée de la dure manique, l'apprenti s'administra un maître soufflet pour écraser la mouche. « Tu me le payeras !» s'écria-t-il. et lançant à toute volée les instruments de son métier, il se mit à la poursuite de la mouche. 20 fois il fut sur le point de la saisir, 20 fois elle lui échappa avec un bourdonnement moqueur. Il riait d'abord, puis il se piqua au jeu, surtout lorsqu'il se fut rudement heurté la main contre le loquet de la porte. La mouche, lasse de ce jeu dangereux, s'esquiva par le vasistas entr'ouvert. Quand l'apprenti voulut reprendre son travail, il s'aperçut que la languette de cuir verni avait disparu. Il ne retrouvait plus son haleine. Pendant plus d'une heure, il fouilla les coins et recoins au grand désespoir des araignées. Il finit par trouver son haleine dans le pot au cirage et sa languette de cuir au fin fond du baquet de science où l'on met macérer les cuirs rétifs dans une eau noirâtre. Quel quart d'heure qu'il apporta à sa besogne, il entendit sonner l'heure fatale avant de l'avoir achevée. Voilà pourquoi et comment les taquineries d'une seule mouche avaient exaspéré un apprenti savetier, impatienté un curé, aliéné un beau-père, poussé un brasseur au désespoir et compromis la réputation d'un maître cordonnier qui jusque-là n'avait pas eu son pareil pour l'exactitude. Le récit de l'apprenti savetier dissipa peu à peu tous les nuages qui avaient assombri le commencement de cette belle journée. Cette histoire véridique contient beaucoup de leçons à l'adresse de tout le monde. Elle apprend aux célibataires qu'ils doivent avoir de l'ordre sous peine de voir manger leurs souliers de noces par les souris. Aux maîtres cordonniers qu'ils ne doivent point se reposer sur leurs apprentis d'une besogne importante. Aux apprentis qu'ils doivent se défier des agaceries des mouches et aussi des fantaisies de leur cerveau. Le maître adjoint de l'école de Dahlheim, qui a mis ce récit par écrit, en a résumé la morale dans cet axiome dont tout le monde peut tirer profit. « Ne fais jamais par procuration ce que tu dois faire toi-même. »